franceinter.fr. Et tout de suite sur France Inter, rendez-vous avec X de Patrick Pénaud. Aujourd'hui, une émission en rediffusion. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud. Décision spectaculaire. Le 16 novembre dernier, le général franco-croate Ante Gotovina, accusé de crime de guerre, a été acquitté. Monsieur X avait évoqué son histoire en mai 2008. Rediffusion. On l'a appelé le Patton croate. D'autres n'ont pas hésité à évoquer un De Gaulle croate. Mais c'est un présumé criminel de guerre qui dort depuis maintenant plus de 2 ans dans une cellule du Tribunal pénal international pour la Yougoslavie. Alors, qui est vraiment Ante Gotovina, général croate déchu, ex-caporal-chef de notre Légion étrangère, soupçonné d'avoir été trafiquant d'armes, barbouze, homme de main et peut-être même ancien gangster. Bref, Ante Gotovina est-il un héros ou un voyou? Si Monsieur X a choisi de me parler de cet homme dont le procès s'est ouvert à La Haye en mars dernier, c'est que nombre de ses tribulations ont eu pour cadre la France, et qu'il subsiste de nombreuses zones d'ombre à propos de ses activités, vraies ou supposées. Quoi qu'il en soit, la vie d'Ante Gotovina est un véritable roman d'aventure dont la lecture permet de jeter un intéressant coup de projecteur à la fois sur les derniers soubresauts de l'histoire européenne et sur la mouvance des milieux d'extrême droite où l'on rencontre pêle-mêle des soldats perdus, des mercenaires, des spécialistes de la sécurité, des auxiliaires des services de renseignement et des marchands d'armes. Et parfois même des narcotrafiquants. Shiki baba, sos Rendez-vous avec X. À Zagreb, la capitale croate, on n'y va pas par quatre chemins quand on parle d'Ante Gotovina. Et on explique benoîtement que le général a été simplement victime de la volonté du tribunal international d'établir une sorte d'équilibre entre Serbes et Croates. Les criminels de guerre ne pouvaient pas être tous Serbes. Et dans l'autre plateau de la balance, il fallait bien mettre une poignée de Croates. Et c'est ainsi que Gotovina et un autre général ont été inculpés. Ouais. Des boucs émissaires, au fond. Oui, d'autant, et là je me mets toujours à la place de l'homme de la rue croate, qui n'a pas de comparaison possible. À Srebrenica, Mladic et ses sbires ont massacré des milliers de Bosniaques, tandis qu'on peut tout juste reprocher quelques dizaines de morts serbes à Gotovina. Ah oui, alors, une broutille dans cette comptabilité macabre. Exactement. L'injustice est donc flagrante. Enfin, je caricature bien sûr, mais c'est ce que pensent vraiment de nombreux Croates pour qui Ante Gotovina demeure un héros. Enfin, rassurez-vous, on reviendra sur les responsabilités réelles de ce général qui a pris le métier des armes dans notre légion étrangère. Alors justement, là, quelques précisions sur cet engagement-là. Gamin, ce jeune Croate n'a qu'une idée en tête, voyager. Et donc, fuir son pays. La Croatie fait alors partie de la fédération yougoslave, dirigée par la main très ferme du maréchal Tito. Et la Yougoslavie qui est communiste. Hein. Oui, même si le régime est un peu plus souple que dans les autres démocraties populaires. Alors, je ne sais pas si le jeune homme voulait aussi échapper au système, mais en tout cas, à deux reprises, alors qu'il a tout juste 16 ans, l'adolescent essaie de fuir. Mais c'est la troisième tentative qui est la bonne. Ante arrive à gagner le bord d'un navire battant drapeau libérien et se fait embaucher comme marin. Puis en 1973, il triche sur son âge pour s'engager dans la Légion étrangère. En France donc. À Marseille, oui. Mm-hmm. Et comme il est d'usage dans la Légion, il a choisi une identité d'emprunt. Affecté au 2e REP et engagé pour 5 ans, il participe à plusieurs opérations extérieures et fait la preuve d'incontestables qualités militaires. Il subit en particulier une formation de nageur de reconnaissance. Oui, très bonne recrue, par conséquent. Hein. Ante Gotovina est en effet très bien noté par ses supérieurs. Parachutiste dans les forces spéciales, il crapahute avec l'un de ses camarades qui devient son grand ami, un certain Dominique Hérulin. C'est un nom qui me dit quelque chose. Ça. Vous avez raison. Le frère de cet homme n'est autre que le colonel Philippe Hérulin, le chef des légionnaires qui sauteront sur Colvézi en 1978. À la fois pour délivrer des otages européens aux mains d'insurgés katangais venus d'Angola, mais aussi pour sauver le régime du président du Zaïre, Mobutu. Enfin, on retiendra surtout les otages. Et Gotovina en est donc. Oui, oui, aux côtés de Dominique Hérulin, son frère d'armes. Le Croate aurait été alors le chauffeur garde du corps du frère, le colonel Philippe Hérulin. Pourquoi ce conditionnel-là ? Parce que dans la vie de Gotovina, comme dans la vie de beaucoup d'aventuriers, il faut faire le tri entre la vérité et la légende. Mais au fond, peu importe. Ce qui compte, c'est qu'au cours de ses 5 années de Légion, le Croate acquiert une solide formation de baroudeur. C'est un costaud ? C'est un type baraqué, au trait viril, un séducteur aussi. Et il paraît que ses yeux verts ont fait des ravages. Bon, enfin, là encore, il faut faire la part de la légende. Et puis, dans ce domaine comme dans d'autres, hein, on ne prête qu'aux riches. Ah, puisque vous avez l'air de vous y connaître. Bon, sans doute moins que vous. Bon, écoutez, je vous en prie, respectez mes cheveux blancs. Enfin, je poursuis. Pour Gotovina, la Légion n'est pas une fin, mais plutôt un début. Une bonne carte de visite, quoi. Au moins dans certains milieux professionnels bien particuliers. Oui. La sécurité. Naturellement. Mais auparavant, le Croate travaille quelque temps comme plongeur professionnel dans une société qui traite des chantiers sous-marins. Et puis, et c'est l'essentiel dans son histoire, il acquiert la nationalité française. Grâce à son passage dans la Légion. Et au fait, après son temps de service, là, quel est le grade de Gotovina ? Il est caporal-chef. Oh, très modeste. Certes, mais ça n'amoindrit en rien sa réputation de dur à cuire et d'homme d'action. Ante Gotovina vit alors dans le sud de la France, sur la côte ou en Corse. Et avec son compère, Dominique Hérulin, il fréquente assidûment les cercles d'extrême droite où on adule les bérets verts. On est alors en quelle année, là ? Le contrat de Gotovina a pris fin en 1978. La guerre d'Algérie est alors terminée depuis 12 ans. Hein. Mais ensuite, il y a eu l'OAS et ses dérives sanglantes. Hérulin a été partie prenante de cette malheureuse aventure. Et c'est sans doute lui qui a entraîné son camarade dans cette direction. Extrême droite, non ? Oui. Ouais. Il faut aussi tenir compte du contexte politique. Grâce au programme commun, la gauche est aux portes du pouvoir. Elle a même failli gagner lors des élections législatives de 1978. Hein. Mmh. Et François Mitterrand triomphera un peu après, 3 ans plus tard. Hein. L'adversaire est clairement désigné, c'est la gauche socialo-communiste. En même temps, on a vu des frères ennemis de la droite extrême se réconcilier. Oui, entre les partisans de l'Algérie française et les militants de choc restés fidèles au général de Gaulle. Oui, essentiellement des types du SAC. Ensemble, ils ont participé activement à la campagne électorale qui a porté Valéry Giscard d'Estaing à l'Élysée. Enfin, vous connaissez tout ça, inutile d'insister. Toujours avec Dominique Kerulin, son inséparable copain, Gotovina rejoint alors la société KO International. Qu'est-ce que c'est, ça ? Une entreprise spécialisée dans la sécurité, elle-même filiale de VHP Security. On soupçonne alors cette société d'être une émanation du SAC. Une couverture. Pourquoi pas ? KO International assure la protection d'un certain nombre de personnalités, Jean-Marie Le Pen, par exemple. Mais la société recrute aussi des mercenaires qui interviennent à l'étranger, souvent en Amérique du Sud. Et Gotovina, lui, participe à ces missions très spéciales ? D'après ce que l'on peut savoir, oui. J'ajoute qu'il n'est pas exclu qu'à l'occasion, ces hommes de main aient travaillé comme auxiliaires des services secrets. Mais enfin, là encore, rien n'est certain. Pas même ce violent accrochage au nord du Tchad, au Tibesti précisément. Et que s'est-il passé ? Exactement. Je ne sais pas, mais le Croate aurait été grièvement blessé et soigné à l'hôpital militaire de N'Djamena. Ce qui est par contre établi, c'est que Gotovina et son ami Erulin ont fait partie d'un commando de gros bras chargé d'évacuer une imprimerie de la Seine-sur-Mer, occupée par des grévistes de la CGT. A noter que le patron de cette entreprise passait pour être un ami de Le Pen. Encore Le Pen, hein ? Que voulez-vous quand on a des amis ? Enfin, la suite est encore plus floue. Après ses exploits musclés sur la Côte d'Azur, Gotovina se serait envolé pour le Guatemala, puis la Colombie, où il aurait convolé avec une certaine Jimena qui lui donnera une fille. Mais en septembre 1981, coup dur, il est impliqué dans un vol de bijoux. Il serait donc devenu gangster. En tout cas, Dominique Kerulin, qui aurait lui aussi participé à ce hold-up, qui leur aurait rapporté 2 millions de francs, a pour sa part toujours nié toute responsabilité dans cette affaire. Mais Gotovina, lui ? Je n'en sais pas plus. Enfin, il faut souligner que l'ancien caporal-chef de la Légion sera mêlé un peu plus tard, en 1990, à une deuxième affaire de droit commun. Alors quoi ? Un enlèvement avec extorsion de fonds. Je vous raconte brièvement. Un soir, dans la région parisienne, l'auto d'un certain Gérard Tourmette a été bloqué par un autre véhicule équipé d'un gyrophare. Deux hommes, se prétendant policiers, en sont sortis et ont obligé le conducteur à monter dans leur voiture. Là, il a été braqué par un troisième personnage, Gotovina, qui lui a annoncé que sa tête était mise à prix. Puis ce Tourmette, la tête recouverte d'un sac noir, a été conduit dans une maison où il a été attaché. Séquestré, donc. C'est ça. Il a été obligé de donner plusieurs coups de téléphone afin d'organiser le versement à ses ravisseurs de plusieurs importantes sommes d'argent en liquide. Une histoire un peu bizarre, non ? Oui, ça je vous le concède. Quoi qu'il en soit, les preneurs d'otages ont réellement obtenu ce qu'ils voulaient. Mais les billets de banque étaient marqués et les gangsters ont fini par être identifiés puis arrêtés. Tous, sauf Gotovina, qu'on n'a jamais revu. Mais attendez, est-ce qu'on est vraiment sûr que le Croate était impliqué ? Il a été dénoncé par les hommes qui ont pris part à cette action et un mandat d'arrêt international a été délivré contre lui. Ce qui ne signifie pas pour autant qu'il était réellement coupable. Hein ? Oui, je suis d'accord avec vous. Il n'empêche qu'il a été condamné pour extorsion de fonds et kidnapping à 2 ans de prison par défaut. Mais il ne sera jamais arrêté pour cette affaire parce qu'il a déjà commencé une glorieuse carrière militaire chez lui, en Croatie. Une ascension tout à fait exceptionnelle puisque ce modeste caporal-chef finira général. Nos chers criminels de guerre, Tel est le titre d'un ouvrage de Jacques Massé publié par Flammarion en 2006. L'auteur y consacre un chapitre à Ante Gotovina. J'en extrait ce passage qui confirme le propos de M. X. À un moment, la double nationalité de Gotovina avait offert une parade aux autorités croates pour justifier leur incapacité à le retrouver. L'homme semblait bénéficier d'un large réseau d'amitié dans les milieux d'extrême droite et du mercenariat, notamment en France et en Irlande. Des relations liées à sa vie antérieure. Après avoir quitté la Yougoslavie de Tito à l'âge de 18 ans, Gotovina s'était engagé dans la Légion étrangère le 1er janvier 1973 sous le matricule 151408. Pendant 5 ans, il avait servi à Calvi au 2e REP sous le nom d'Ivan Grabova, laissant le souvenir d'un gars débrouillard. Il y avait fait la connaissance de Demenik Erulin, un baroudeur connu des amateurs de cinéma, pour sa participation comme cascadeur au tournage de La Grande Vadrouille. Son frère, le colonel Philippe Erulin, avait lui sauté sur Colvézi en 1978 à la tête du REP lors d'une opération au Zaïre restée fameuse. Le caporal-chef Gotovina quitta la Légion cette année-là. Un an plus tard, il obtenait la citoyenneté française. Avant d'en venir à l'action de Gotovina au sein de l'armée croate, je vous propose tout de même un petit retour en arrière sur ses activités vraies ou supposées dans le monde du gangstérisme. Le vol de bijoux d'abord. Le Croate prend ses jambes à son cou aussitôt le forfait commis. Où va-t-il alors ? À l'étranger, en Suisse et en Italie, puis en Afrique. Et cette fuite, alors, ça pourrait être un aveu de culpabilité. Ça prouve en tout cas que Gotovina s'attend à être appréhendé par la police française. Il y a donc quelque chose à se reprocher. Écoutez, libre à vous de tirer cette conclusion. En tout cas, de retour en France, sous une fausse identité, il se fait prendre et il est condamné par une cour d'assises à 5 ans de prison. Une peine qu'il effectue ? Oui, mais dès 1987, il est libéré. Ouais. Et puis, plus tard, alors, il y aura cette autre condamnation pour kidnapping. Ça fait déjà pas mal, hein ? Mais le reste du temps, si j'ose dire, que fait-il ? Eh bien, sous une identité d'emprunt. À cause du mandat international lancé contre lui. Bien sûr. Ouais. Donc, sous un faux nom, il travaille pour différentes officines de sécurité. Comme mercenaire, donc. Mmh. Et où ? En Afrique et en Amérique du Sud. En Afrique, où il se met parfois au service de quelques présidents. Ça veut forcément dire qu'il est en contact avec les réseaux de la France-Afrique. Et donc les services de renseignement français. Et hein. Ça explique en partie pourquoi les autorités de notre pays ne montreront guère d'acharnement à le retrouver. En Amérique du Sud, où il a retrouvé son compère Erulin, il s'est sans doute agi pour lui de travail d'instructeur. D'instructeur militaire. Bien entendu. Vous savez que depuis le séjour là-bas du fameux général Osares, nous avions, nous Français, une excellente réputation. Oui, y compris dans la formation de tortionnaires. Par conséquent, ni Erulin ni Gotovina n'ont eu de mal à trouver des engagements tant étaient alors nombreux les régimes dictatoriaux sur le continent. J'ajoute que Dominique Erulin, lui aussi en fuite pour d'autres raisons, trouvera à se fixer au Paraguay où le dictateur Stroessner en fera un colonel de son armée. Un colonel, alors comme son frère parachutiste de la Légion. Oui, oui, oui. Et quand le Croate va-t-il entendre l'appel de la patrie ? En 1990, fin 1990 exactement. Pourquoi ? Sans doute a-t-il été convaincu de revenir chez lui par des émigrés croates très nombreux en Amérique du Sud et surtout en Argentine et au Chili. Et parmi eux, il y avait certainement des gens qui avaient fui la Croatie après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Parce qu'il s'était compromis avec les Ustachis d'Ante Pavlic. Certainement, oui. Mais enfin, n'insistons pas. C'est donc en 1990 que ça commence à bouger en Yougoslavie. Cette année-là, dans chacune des républiques de la Fédération, on vote librement. Ah, une première, hein. Et ça donne forcément des idées à tous les nationalistes. En Croatie comme ailleurs. Dès 1989, l'opposant au régime communiste Franjo Tudjman a créé son propre parti politique, le HDZ, la Communauté démocratique croate. Et déjà, il est question de sortir de la fédération. Oui, oui, ouais. Parce que la Croatie est l'une des républiques les plus riches et que beaucoup de ses habitants envisagent sans crainte son émancipation. Et effectivement, l'indépendance croate sera proclamée en juin 1991 par Tudjman, qui est devenu président de la Croatie. Enfin, je ne veux pas vous refaire l'histoire de la guerre en ex-Yougoslavie, car nous en avons déjà parlé assez longuement. Mais je vous rappelle quand même que dès la décision des Croates de faire sécession, l'armée fédérale franchit la frontière. L'armée fédérale qui est d'abord essentiellement une armée serbe. Et il n'est pas inutile non plus de rappeler qu'entre les deux nations, il existe un lourd contentieux que Tito lui-même, d'ascendance serbe et croate, avait réussi à apaiser pour un temps. Donc dès la mi-91, c'est la guerre. Et ça a même commencé avant, au printemps, en Slavonie orientale, lorsque des policiers croates et des miliciens serbes se sont affrontés les armes à la main. Il faut dire en effet qu'il existe alors en Croatie une forte minorité serbe. Et cette présence exacerbe les tensions entre les deux communautés. Naturellement, parce que même si la constitution de la Nouvelle-Croatie accorde les mêmes droits à tous les citoyens, quelle que soit leur nationalité d'origine, les Serbes ont le sentiment d'être moins bien traités. Avec raison. Bon, il est vrai que dans l'administration, par exemple, le pouvoir a tendance à se débarrasser des fonctionnaires d'origine serbe. D'autant que la plupart du temps, ce sont aussi d'anciens communistes. C'est ainsi que, petit à petit, la situation, avant même le déclenchement de la guerre, s'est dégradée. Et bientôt, on va voir les Serbes de la région nommée Krajina se réunir pour proclamer leur autonomie et même, après un référendum, leur indépendance. Cette Krajina se trouve à l'est du pays. Oui, près de la frontière bosniaque. Et une autre région, la Slavonie orientale, en profite aussi pour se déclarer autonome. Et c'est la guerre. Un conflit très meurtrier qui va durer jusqu'en février 1992. L'armée fédérale bombarde plusieurs villes qui vont être largement détruites, telles Dubrovnik au sud. Alors même qu'aucune nécessité stratégique ne l'imposait. C'est vrai. Et puis il y a surtout Vukovar en Slavonie. Vukovar, la ville martyre. On a même parlé de Stalingrad croate, car la cité a tenu 3 mois sous les bombes serbes. Alors, passons pudiquement sur les milliers de morts et de personnes déplacées. Le résultat, après le énième cessez-le-feu qui intervient donc en février, c'est que les Serbes se sont rendus maîtres des deux enclaves qu'ils convoitaient. La Krajina et la Slavonie orientale. Les Serbes règnent alors sur le quart de la Croatie. Et plus rien ne bougera jusqu'en 1995. Mais il faut dire que l'ONU a envoyé là-bas un gros contingent de casques bleus. Et le front est donc stabilisé. La suite, bon, vous la connaissez, Tudjman le Croate et Milosevic le Serbe vont s'entendre pour se retourner contre la Bosnie et tenter de la dépecer. Ils passent même des accords secrets. Et les enclaves serbes de Croatie seront passées par perte et profit. Bon, n'allons pas trop vite, car c'est là que nous retrouverons Ante Gotovina. Et son action lui vaudra, en ce moment même, d'être poursuivi par le tribunal pénal international. Mais au début des années 90, nous n'en sommes pas encore là. Gotovina est donc revenu dans son pays natal fin 1990. Par patriotisme ? C'est ce qu'il a toujours prétendu. Et pourquoi pas, après tout, il a pu vouloir sincèrement voler au secours de ses compatriotes en difficulté devant la puissante armée serbe. Et puis pour ce baroudeur, l'odeur de la poudre ne doit pas le laisser indifférent. Oui, ça c'est probable. Mais il y a là une possibilité de montrer ce qu'il sait faire et aussi d'en finir avec toutes les combines un peu minables qui lui ont permis de subsister depuis son départ de la Légion. Alors naturellement, en Croatie, son expérience militaire est la bienvenue. Et Gotovina rejoint d'abord une unité croate spéciale, les Tigres, dont il forme les recrues. C'est le début d'une exceptionnelle ascension dans la hiérarchie militaire. Et participe-t-il activement aux opérations proprement dites ? Oui, il est même blessé sur la frontière bosno-croate. À noter qu'en face se trouvent aussi d'autres Tigres, les paramilitaires du chef de bande serbe Arkan. Un type redoutable qui ne s'embarrasse pas de respecter les lois de la guerre. Ces hommes sont les tueurs. Mais si j'insiste sur ce point, c'est qu'il existe des points communs entre ces deux chefs de guerre. La même impétuosité, la même intrépidité, et aussi, il faut le dire, les mêmes relations avec des éléments troubles. Milieu ? Bien sûr. Arkan sera lui aussi désigné comme criminel de guerre, mais il échappera à la justice internationale puisqu'il sera abattu au début de l'année 2000, à un règlement de compte mafieux. Gotovina, lui, choisira une autre voie puisqu'il est officiellement intégré dans l'armée croate. Et dès 1992, il est nommé commandant du district militaire de Split. Le petit caporal-chef a fait rapidement son chemin. Et ce n'est qu'un début. France Inter, rediffusion de l'émission de Patrick Pénaud, Rendez-vous avec X. Le personnage d'Ante Gotovina a cristallisé les critiques autant que les louanges. Un seul exemple. Sur le site internet Voice of Croatia, qui ne professe pas des idées particulièrement progressistes, un certain Christophe Dolbo, journaliste à Rivarol, prend ainsi sa défense. Après avoir insinué que le Croate n'était qu'un légionnaire pour la frime et souligné la modestie de son ancien grade de caporal-chef, on cherche logiquement à semer le doute sur le sérieux de sa promotion au généralat. Imméritée, trop rapide, cette ascension n'est-elle pas le symbole de l'impéritie de Franco Tudjman et l'aboutissement d'obscurs grenouillages? Ce genre d'allégation gratuite et floue est assez imparable, d'autant que Tudjman et Suzak, le ministre croate de la Défense, ne sont plus là pour s'expliquer. On peut toutefois rappeler que les promotions au mérite existent dans toutes les armées en guerre et que Bonaparte fut nommé général à 24 ans, De Seix à 25 et Murat, un ancien sous-officier, à 32. Au vu des résultats obtenus, force est de constater aussi que cette promotion n'était pas si usurpée que ça. Aventurier, soldat de fortune, nervi de bas étage et général de pacotille, il restait encore pour que la démolition de l'icône fût parfaite à faire d'Ante Gotovina une franche canaille. Le procédé est vil, mais certains cafards de presse en ont fait leur gagne-pain. À l'aide d'un salmigondi de fausses rumeurs, de rapports tronqués, de ragots divers, ils ont donc entrepris de nous démontrer que le général n'était au fond qu'un bandit de grand chemin. La diffamation atteint l'un des sommets, puisque pour faire bon poids, on accuse pêle-mêle le général d'avoir commis un vol de bijoux, un kidnapping et un cambriolage, puis d'avoir livré des armes à l'ETA et à l'IRA. En fait de héros militaires, Ante Gotovina se mue dès lors en une sorte de Jesse James, ou mieux, de Fantomas. Dès l'automne 1994, Gotovina est nommé général de division. Une promotion qu'il devrait à ses talents militaires, mais aussi à l'intérêt que lui porte Gojko Susak, le ministre croate de la Défense, dont il a épousé la secrétaire en deuxième noce. Un peu de népotisme, peut-être? Oui, enfin, c'est possible. Enfin, disons en tout cas que ces épousailles n'ont pas nuit à Gotovina. Mais c'est en août 1995 que la carrière du Croate va connaître à la fois son apothéose et ensuite précipiter sa chute. Je vous l'ai dit, Tudjman et Milosevic ont passé un pacte. Et la victime de ce pacte doit être la Bosnie, hein? Oui. Tudjman est encouragé à occuper le tiers de la République, tandis que Milosevic compte s'emparer du reste. C'est son rêve d'une grande Serbie. Et un rêve criminel, car il est à l'origine de la plupart des malheurs de l'ex-Yougoslavie. En passant cet accord avec son ancien adversaire, Milosevic a sciemment décidé de sacrifier les enclaves conquises en Croatie. Alors voilà, la Krajina et la Slavonie orientale. Hein. Ça fait partie du marché. Ça veut dire qu'il abandonne les habitants serbes de ces deux régions autonomes. Sans état d'âme. Même si ça écorne son dessein de construire une grande Serbie. En effet. Conséquence, l'armée croate aura les mains libres pour s'emparer de ces deux enclaves, puisque leurs habitants ne seront plus soutenus par l'armée serbe. Alors, on peut imaginer que cette récupération se fera avec le minimum de violence. Oui, et c'est sans compter sur la résistance des Serbes de ces régions. Et puis, il faut bien le reconnaître, Tudjman a besoin d'une victoire militaire qui effacerait les déboires de la Première Guerre et satisferait le nationalisme de ses compatriotes. Et conforterait son pouvoir, j'imagine. Naturellement. Ouais. Et le président croate charge le général Gotovina, l'un des plus hauts dignitaires de son armée, de mener à bien cette mission. Nom de code de l'opération, Tempête. Il s'agit donc, en principe, tout au moins d'en finir avec le séparatisme serbe. Mais en filigrane, il y a aussi la volonté de chasser les Serbes installés, et depuis parfois fort longtemps, en Croatie. Ce qu'on a appelé, lorsque c'était l'armée serbe qui était à la manœuvre, une épuration ethnique. Oui, c'est bien le cas. Alors, dès le début du mois d'août 1995, une pluie d'obus s'abat sur la Krajina. Un projectile toutes les 15 secondes. Et ensuite, lorsque la résistance serbe est bien entamée, ce sont 100 000 soldats croates qui se lancent à l'assaut. Face à une telle offensive, l'adversaire doit bientôt céder. La campagne n'aura duré qu'une semaine. Avec quelles conséquences alors? De gré ou de force, 200 000 Serbes se sont enfuis. Donc si j'ose dire, la purification ethnique est un succès. Malheureusement, oui. Au prix de multiples exactions et de la destruction des maisons des Serbes. Et des morts, hein? Des civils qui ont été exécutés. Donc sans des civils, donc sans aucune nécessité militaire. C'est ça. Alors combien ? Une bonne centaine. Enfin, je ne sais plus qui a avancé le chiffre de 150, mais il faudrait aussi compter avec les disparitions dont certaines n'ont jamais été élucidées. Bien sûr, à côté des massacres perpétrés par les Serbes, en particulier à Srebrenica, ça semble peu. Mais à partir de quel nombre de morts innocentes commence le crime de guerre ? 2, 3, 100 ou des milliers ? Et la purification ethnique ne doit-elle pas aussi être considérée comme un crime de guerre ? Ah, vous me paraissez donc être persuadé de la culpabilité de Gotovina. Bah, parce qu'il avait la responsabilité du commandement. À ce titre, il doit donc assumer tous les crimes qui ont été commis par ses troupes. Ouais, sans doute, mais au-dessus de lui, il y avait le pouvoir politique. Le président Tudman est son ministre de la Défense. Bon, certainement, ils ont aussi leur part de responsabilité. Et pour ma part, je pense que Tudman, comme Milosevic, aurait dû comparaître devant le tribunal de La Haye. Mais il est mort avant même d'être inculpé. Reste donc Ante Gotovina seul face à ses accusateurs. Ah, mais un autre général l'a rejoint sur le banc des accusés. Et puis toujours pour parler des responsabilités, d'autres acteurs auraient pu également être impliqués. Mais enfin, un peu de patience. Ce que vous devez d'abord savoir, c'est que la victoire sans gloire de Gotovina dans la Kraïna lui a valu les plus hautes récompenses. Peu après, il est nommé général de corps d'armée. Et en 1996, il deviendra même inspecteur général de l'armée. Le sommet de sa carrière. En même temps, l'ancien caporal-chef est devenu un héros pour l'opinion croate. Ouais, c'est l'homme qui a permis à sa patrie de recouvrer l'intégralité de son territoire. Et sa photo s'affiche partout en Croatie. Parallèlement, comme son poste lui laisse de nombreux loisirs, Gotovina a renoué avec certaines de ses activités antérieures. On le voit par exemple très souvent à Marseille, où il aurait même été salarié d'une société de sécurité domiciliée à Paris. Il n'a pas même renoncé à aider ses amis politiques, puisque selon certaines sources, il aurait soutenu l'ancien dirigeant de l'OAS, Jean-Jacques Susini, dans sa tentative de prendre la tête du Front National dans les Bouches-du-Rhône. Et citoyen croate, il a toujours la nationalité française ? Oui, et en 2001, on lui octroiera même un nouveau passeport. Et quand ses ennuis alors commencent-ils ? Dès 2000. Son protecteur, Tudman, est mort quelques semaines plus tôt. Et à La Haye, on annonce qu'une enquête sera menée au sujet d'éventuels crimes de guerre commis par les militaires croates. Et jusqu'alors, il n'était question que des Serbes. Alors c'est vrai, il y avait peut-être la volonté de rétablir un certain équilibre. Mais très vite, Gotovina et 6 autres généraux croates font savoir qu'ils refuseront de coopérer avec La Haye. Ça leur vaut une mise à la retraite immédiate. Et peu de temps après, en mai 2001, le Croate est officiellement inculpé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Ça, c'est la purification ethnique. Évidemment. Hein. Gotovina peut-il alors compter sur la protection du gouvernement croate ? Oui et non. Le général, aux yeux de la plupart de ses compatriotes, est alors considéré comme un héros. Dans ces conditions, il est difficile pour Zagreb de le livrer au tribunal. Mais d'un autre côté, il y a la volonté des Croates de se rapprocher de l'Union européenne. Avec l'espoir un jour d'y être intégré. Hein. Quoi qu'il en soit, Gotovina a déjà pris la mesure du risque et il a choisi la fuite. Et c'est le début d'une longue cavale, où vraisemblablement il a été mêlé à quelques affaires obscures. Quoi ? Ou sans doute des trafics d'armes. En tout cas, si c'est vrai, ça explique pourquoi les Britanniques seront les plus acharnés à le découvrir, car il aurait approvisionné militairement l'IRA. Quant à la fin, vous en connaissez les détails. Fin décembre 2005, Ante Gotovina est arrêté dans un luxueux hôtel des Canaries. Et malgré l'adage qui veut qu'un légionnaire ne se rende jamais, je suis persuadé que le Croate a négocié sa reddition. Ah oui, y aurait-il eu un marchandage alors ? Je remarque simplement qu'au lendemain de cette arrestation, l'Union européenne acceptait d'entreprendre des négociations sur l'entrée de la Croatie. Et qu'aurait-on promis à Gotovina alors ? Eh bien ça, vous le découvrirez à l'issue de son procès. Ah, attendre. Alors, vous avez parlé aussi d'autres responsables des crimes de guerre commis en Croatie. Hein. D'abord, il faut bien reconnaître que les puissances occidentales ont généralement approuvé l'opération Tempête menée par Ante Gotovina. Et ça s'explique très bien. Ces États, qui avaient envoyé des contingents de casques bleus dans l'ex-Yougoslavie, avaient hâte que la guerre des Balkans se termine au plus tôt. Et la paix passait par la résolution de cette question des enclaves serbes de Croatie. Tudman a donc été encouragé. Et je peux même vous dire que la CIA a fourni des renseignements très précis au commandement croate lors de la préparation de la reconquête. Quel genre de renseignements ? Des photos et aussi des écoutes téléphoniques captées à partir d'une base états-unienne installée sur la côte adriatique. C'est donc enfin pour vous, dans cette mesure, que l'Occident est aussi responsable. Ben, il ne suffit pas de lâcher des chiens de guerre dans la bataille, il faut aussi pouvoir les contrôler pour éviter le pire. Et la France, alors ? Nos rapports avec Antegotovina étaient forcément plus complexes, à la fois en raison de son passé judiciaire et des services qu'il avait pu rendre à l'occasion de missions plus ou moins clandestines. Donc, il est certain que les autorités françaises n'ont guère fait preuve de zèle lorsqu'il s'est agi d'exécuter le mandat du tribunal pénal international. En outre, mais je vous livre cette information avec beaucoup de réserve, hein, en 1993, Gotovina aurait sauvé un peloton français de casques bleus pris sous le feu d'un affrontement entre militaires serbes et croates. On aurait donc pu lui être reconnaissant. Mais vous n'avez aucune certitude. Non, non, mais que voulez-vous, avec ce diable de Gotovina, on n'est jamais sûr de rien. Pour terminer, un extrait d'un article du journal croate Jutarnji List, publié par un site internet très documenté, le Courrier des Balkans. Je cite. Grâce à l'incohérence et au mystère lié aux données de sa biographie, Antegotovina siège avec de plus en plus d'assurance sur son trône de personnage culte de l'histoire contemporaine croate. Quelle que soit l'issue de l'épopée de sa vie, il est difficile d'imaginer que cette place lui sera ravie par qui que ce soit. Son image restera gravée dans la mémoire collective et sera l'enjeu d'une bataille entre les deux clans passionnément opposés de la société croate. Pour une partie de la société croate, Gotovina incarne l'image de ce qu'il y a de plus exceptionnel et d'admirable chez les Croates. Et cette partie de la population regarde vers l'Ouest qui s'ouvre devant elle avec beaucoup de méfiance. Pour elle, Gotovina est un héros de guerre, un aventurier débrouillard, l'homme qui, grâce à son esprit sauvage et son instinct de loup, a réalisé des choses inimaginables aux yeux de ses concitoyens du village d'Almat de Tkon et des milliers d'autres compatriotes qui s'identifient à eux. Pour une autre partie de la Croatie, Gotovina incarne tout ce qui bloque le pays pour qu'il libère ses véritables potentiels et s'arrache du trou sombre balkanique. Un provincial non éduqué, un homme qui, depuis son âge le plus tendre, méprise les valeurs de la société civile, les lois et les règles, et cherche son bonheur dans l'univers obscur des ports du monde entier, des fossés, des commandos et des bordels métropolitains. Cette émission a été préparée par Rebecca Denante et François Cardona. Michel Billou l'a réalisée et Monsieur Djoub l'a illustrée musicalement. La semaine prochaine, une nouvelle diffusion d'une émission sur un grand personnage que j'aime bien personnellement, Jean Zay.